Los gringos, gringos, amigos, amigos, los gringos. Faya, faya, S-A-L-M-I-N-N. Yahya, Yahya, Haya. On est là, S-A-L, t'inquiète. La tête qui chauffe, les mains qui tremblent, puis les yeux humides, j'désespère. Comme ce taulard et ses barreaux qui nous expriment à l'aide d'une technique de rime et de rythmique. Sur le mic, j'représente tout le monde, qu'elle soit son origine ethnique. Une autre grosse résine de shit pour ceux qui veulent poser dans le street. Laisse la boucle tourner, serre-moi un verre de Jack et roule ton ski. J'roule en équipe, los gringos, j'en fais profit. C'est tant que j'peaufine mes rimes et j'en tire aucun profit, j'ai pas le profil type. Ou bien peut-être que je menace leur éthique. La nouvelle graine dans le rap, on détaille comme nos blocos de chiffres. Contrôle judiciaire, incarcération, tout ça pour le vif. J'ai confiance en plus personne, puis j'vois des potes tous foutre des bites. Dans la merde, j'm'y précipite, j'freine pas et j'm'y perds, c'est triste. Tu crois atteindre le paradis, pourtant tu sais que c'est pas à qui jeter la pierre. C'est des faits divers dans les articles. Je rêve d'une vie d'artiste, mais c'est d'art s'en sortir ici, fils. Je suis sérieux dans le taf comme dans les relations. Alors désolé, petite tasse, y aura pas de fellation. Ici les zap, il faut pas le moine, mais ils font du bifton. Y'a des TN, made in Taiwan et des boss contrefaçon. Je veux signer des contrats, des conventions et brûler les contraventions. Même si mes textes sont de bonne invention, avec de bonnes intentions, j'aurais même pas le droit de grimper la marche, alors attention. Attention. Débite le faux qui est vif, tire une touffe et vite les fous, vite gouffant, vite goum les tapettes qui pour une barrette pour qu'après coup de presse, vite vite coupé, compresse pour être dans stress, faut être sans cesse sans stress. Le rap et moi c'est peu probable comme un mille chèques sans lait. Je veux des trucs chocs à vivre avec les vrais toxiques cortèges. Fine ça, mais ceux qui restent discrets. Le jour sève les schmitts, passe une nouvelle fois. Ça se trouve au même moment, une fille, elle se fait les vieux dans le bois. La vie est cruelle, fragile et instable à pute. Tu peux te faire tes plans dans ta ruelle pour ta carte à puce. Allez, un énième, contrôle d'identité. Juste histoire de te montrer leur connerie dans son immensité. Quand la tristesse déborde, le spliff éponge, tu sais. Ce truc qui te stresse, inesquivable comme ton ombre. Ce qui est vital, pour moi, ombrer dans la folie. Ne pas sombrer, diffuser le son du FP, parce qu'il y en a marre. T'entends des sons gays, je fais que de stagner, je crache. Ma rancœur sur le sang, mal barré comme Blade nu face à des suceurs de sang. Du père, l'illettré dans la bibliothèque, comme un barbu au stage. Faut changer ça, mec, tu l'as compris dans ce texte. Tu peux considérer ce couplet comme un reflet de ma vie de merde. S.A.M. toujours froid comme un cerf. J'en ai ma voix, les mêmes tours, la même merde, les mêmes têtes. Qui sait peut-être un jour je vivrai comme ce mec qui roule dans cette voiture, qui fout les yeux de la tête. Et ces discours qui nous répètent sans cesse, mais rien progresse. J'en ai ma voix, les mêmes tours, la même merde, les mêmes têtes. Qui sait peut-être un jour je vivrai comme ce mec qui roule dans cette voiture, qui fout les yeux de la tête. Et ces discours qui nous répètent sans cesse. Ça part en couille, c'est dur à croire. Cherche cette pute de chance, d'ailleurs frappe là si tu la croises. Les petits morts fument des trois feuilles, font plus haut conservatoire. Prépare leurs poumons à des insuffisances respiratoires. J'suis paro, j'mate, mon binôme séparé. C'est pas rose comme finir derrière les barreaux. Mec, j'sais pas si t'es barré. Écoute, ce monde est taré, tu te retrouves dans le sale d'histoire. Ou pour rien dire, t'es mal barré, mec, c'est pas gay. Quand le vice vient t'alpaguer, on stagne et on repasse une couche comme sur ce mur tagué. Ça squatte l'asphalte au lieu de la fac, cesse donc de te voiler la face. Partout un terrapasse, donc à chacun sa carapace. Laisse-moi une énième fois rallumer mon joint. Faut qu'il me perd fort, que je tire fort parce que ce bâtard est mon conjoint. Et même si je sais que j'ai tort, je me dis en fixant le décor. Normal qu'on perde le nord et que pour Bicrap ça prenne le mort. Baiser la France, un drôle de sport pour fin de carrière, un triste sort. Mais tu te crois fort à un moment pour rebondir, y'a plus de ressort. Plus de ressort, plus de ressort, plus de ressort. Mes pensées s'en mêlent, j'en ai marre, je m'emmerde. Et puis à la baraque, comme au Diegar, c'est toujours la même, la merde. Moi et mon pote, on est dans la même barque. Et je me demande où ce qu'elle m'emmène. Peut-être dans la violence, la haine. J'attends encore ma belle, mais pour l'instant, y'a que le corps qui m'appelle. Un jour tu dors, un jour tu prends une peine. Et le résultat, c'est aux parents que ça fait de la peine quand ils l'apprennent. T'aimerais sortir de cette spirale, mais en bas de ta tête, ça se priave. Et y'a ton pote qui se fait liave, alors faut que tu le fasses criave. Le 6 gros n'est pas là, les souris dansent le mia. Le meilleur rap, c'est le mien. MSP toxique, la mafia du 9-3. 300 purs parisiens, j'suis au milieu. Et j'veux des milliards, qu'on me contrôle, c'est humiliant. Parce que j'suis pas un brigand, j'ai mes affaires, ma vie. Parle-moi pas d'avant, j'me rappelle avant les délires, toujours en mouvement. J'sais pas trop par où j'devrais commencer, commenter ma vie. Par des 16 et des refrains, poser ma voix sur ce mic, faire ça bien. Car tu sais, j'ai faim, j'ai strain de vie du jeune qui aimerait tout avoir trop vite. J'me sens seul comme ce clochard le soir dans ce trou vide, c'est trop speed. Mon spleen est lourd à porter, donc je trim, je m'exprime à l'aide de Jack Daniels et de résine à chaque barrette. Ouais, je m'écris, souvent d'humeur aigrie, réécrire sa vie, bah ouais, plus facile à dire qu'à faire. Zéro en grammaire, pourtant c'est dans le purage, trouve mes repères. Faut que les boomers augmentent, je rappe ma vie et ça m'alimente. Des consonnes et des voyelles, frère de la technique, j'ai le maniement. Puis je m'excuse des soucis et du mal que je t'ai fait, maman. Ma vie, je mène malement et je t'assure que c'est dégarant. Je cause des dégâts quand je m'amuse à jouer le délinquant. Et c'est éreintant car j'ai l'impression de perdre mon temps. Frère VINZ a jamais gravé sur mon homoplate. Anti-homo, je craque, ça c'est pour mes frères qui rêvent d'or en plaque. J'en ai marre de voir les mêmes tours, la même merde, les mêmes têtes qui s'aiment peut-être. Un jour je vivrai comme ce mec qui roule dans cette voiture, qui fout les yeux de la tête. Et ces discours qui nous répètent sans cesse, mais rien progresse. J'en ai marre de voir les mêmes tours, la même merde, les mêmes têtes qui s'aiment peut-être. Un jour je vivrai comme ce mec qui roule dans cette voiture, qui fout les yeux de la tête. Et ces discours qui nous répètent sans cesse, mais rien progresse.